l'instant, eh bien, on parle de technologie de l'information avec le chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval, Raymond Poirier. Bonjour, Raymond. Bonjour, Tania. Et aujourd'hui, eh bien, on va, entre autres, revenir sur Technoculture Camp 2013. Exactement. C'est en fait 3e édition de cet événement-là qui est organisé par le CLD de Québec et par la Voix des entrepreneurs en TI de Québec, la VETIC. L'objectif, c'est un peu d'aller ramasser, mettre ensemble les forces brutes en technologie et en culture, donc autour de l'idée de technoculture. C'est une initiative un peu dans l'amont, dans la suite, en fait, Québec Horizon Culture, il y a quelques années. Et donc, l'idée était de stimuler par différents programmes, différentes initiatives, le développement de projets qui permettraient au milieu culturel, au milieu technologique, au milieu de la recherche, de collaborer ensemble et de développer des projets. Et avec un événement comme Technoculture, ben on vise justement à favoriser un peu le réseautage, à favoriser l'échange et, je dirais pas forcer la collaboration, mais à mettre en place les graines d'une collaboration potentielle autour d'initiatives. La formule CAMP varie en fait d'interprétation. L'année dernière, à l'événement, c'était un peu libre. Tout le monde pouvait proposer son projet, son idée d'atelier, de réflexion. Donc, ça donnait quelque chose d'assez éclaté. Cette année, ils ont préféré nous proposer 4 projets sur lesquels on pouvait ensuite réagir, réfléchir, collaborer dans l'élaboration ou dans différentes phases auxquelles ces projets-là étaient rendus. On a dirigé un peu plus. Plus et avec 4 projets quand même assez structurants et assez différents. Donc des projets qui sont presque finalisés, qu'on va lancer dans quelques mois. D'autres qui sont encore à l'état d'idée mais dont on sait qu'ils vont devenir une réalité. Et un projet à l'état d'embryon à travers lequel on voulait palper peut-être un peu l'intérêt des gens présents. Et des projets qui visent aussi le partage. En fait, il y avait eu une conférence un peu avant l'ouverture du camp proprement parlé du titulaire de la chaire de l'Université Laval, la chaire de recherche sur les cultures numériques, Milad Douilly, qui disait, ben, rappelez-vous, la culture, c'est le partage. Et il n'y a pas de culture qui naît sans partage parce que la culture est le fait d'un groupe, est le fait d'un peuple, et donc nécessairement, ben, faut que ça circule. Et donc, aussi, pour créer la culture, ben, ça implique une collaboration. Et donc, il y a 2 projets qui visaient à créer de facto là, ces collaborations-là. Un qui est dans un état un peu plus avancé, qui s'appelle le Media Lab, qui est en fait appuyé par plusieurs entreprises, groupes, réseaux socio-économiques. On collabore aussi, nous, à l'ITIS là-dessus. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de créer une plateforme. Donc, quelle forme elle prendra, la question se soulève encore et a été discutée en atelier au Technoculture Camp. Mais donc, l'idée est de créer une plateforme, un espace, un lieu où il pourrait avoir, donc, échange entre les intervenants de la culture, les intervenants de la recherche et les gens d'affaires, donc pour créer des projets. Mais c'est un peu la deuxième étape après le réseautage. Donc, encore faut-il avoir un projet et autour d'un projet, donc on rassemble les gens et là, on les appuie dans le développement avec du mentorat, de l'accompagnement, d'autres types de réseautage, etc., etc., pour s'assurer que le projet soit mené à bien. Et donc, c'est un peu l'expérimentation autour du projet et les étapes supérieures, entre guillemets, de l'idéation qu'on fait dans un espace comme celui-là. Donc, vraiment l'idée de renforcer les ponts qui auront été créés. Et autre projet, un peu dans cet esprit-là, mais Media Lab, c'est plus sur des projets infrastructure, des projets, j'ai envie de dire, structurants dans la mesure où c'est des projets qui sont sur la durée, qui sont au-delà de l'événement. Et donc, le projet qui est un peu plus embryonnaire, qui a été proposé, qui s'appelle les productions rares, lui est plus justement dans l'événementiel. Donc, où on se dit, on a une réalité qui est technoculturelle à Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour animer cette réalité-là au-delà des infrastructures? Donc, pour occuper les espaces qui sont déjà présents dans un esprit de technoculture. Et donc, ce qui était proposé par Louis-Robert Bouchard, qui est le responsable un peu de ce projet-là, c'était justement l'idée de créer un lieu, de créer un organisme, encore là, très flou. Ça peut être une coopérative de travailleurs autonomes. Est-ce que ça peut être un OBNL qui a une offre de service? Et donc, cet organisme-là puisse d'un côté offrir des événements et que dans la construction de ces événements, on aille chercher justement des parcelles de différents types d'expertise, donc de métisser de la musique avec des projections, de métisser de la géolocalisation avec de l'art visuel, etc. Donc, de jouer un peu avec ces dynamiques-là. Et parallèlement, lui mentionnait aussi l'idée de prendre des activités qui sont déjà existantes, mais de trouver des manières de leur apporter des éléments technologiques. Lui donnait l'exemple d'un atelier qui avait fait avec Jeunes Musiciens du Monde, qui est donc une école de musique, et lui leur avait proposé justement d'intégrer et d'offrir des ateliers sur les technologies musicales. Donc, ce qu'il avait fait, donc l'idée étant de prendre un projet existant et qu'on de dire, ben, déjà qu'est-ce d'ajouter là, exactement, comment on peut renforcer un peu le volet techno. Donc ça, c'est des organismes qui visent à faire des ponts, mais évidemment, il y a des ponts qui se font aussi dans l'action. Et ce qui amène à l'autre projet qui, lui, devrait se faire au Musée de la Civilisation en novembre 2013, donc en novembre de cette année. Faut dire que c'est un concept qui est quand même assez stimulant. L'idée, c'est de rassembler des gens pendant une durée donnée et de les amener à faire un projet. Donc, un peu comme les kinos au cinéma, un peu comme on voit dans le bivouac urbain où c'est des gens qui se rencontrent, des équipes de quatre qui font un jeu vidéo et ont 48 heures pour le faire. Eh bien là, c'est un peu dans cet esprit-là, mais avec de la médiation culturelle dans les musées. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aurait des équipes de 10 intervenants qui seraient constitués, donc des gens de domaines variés, donc des programmeurs, des spécialistes de l'informatique, des muséologues, des historiens de l'art, des gens de la sphère de l'éducation, etc. Donc, vraiment, différents types d'expertise qui sont mises en commun, et le Musée de la Civilisation sélectionnerait une dizaine de projets qui pourraient être intéressants à mettre en valeur ou à remettre en valeur grâce aux technologies. Et là, ces gens auraient 3 jours, et comme Anna Laura Baz du musée qui présentait le projet disait, on parle de 3 jours, donc jour et nuit. Jour donc et nuit, 24 heures. Ouais. C'est assez intensif pour réaliser une démarche, une action de médiation grâce aux technologies. Donc, c'est quand même des défis assez intéressants. L'idée leur était venue, eux, l'année dernière à Lyon, où il avait été expérimenté justement le processus. Et exemple, on pouvait se retrouver avec une stèle romaine et on disait, ben, essayer de trouver une manière de la mettre en valeur. Ben, peut-être que justement, en créant une application, on passe par exemple par-dessus le texte latin, on retrouve un texte français, par exemple, qui se traduit ou des choses comme ça. Donc, pour permettre de mieux appréhender l'objet. Donc, c'est le genre de réalisation qui peut être faite, qui est peut-être assez complexe. Il y en a d'autres peut-être un peu plus simples aussi qui peuvent être envisagées. Mais donc, c'est une grosse compétition. On aura sûrement l'occasion d'en reparler en cours de route. Mais Raymond, tu as dit quelque chose d'intéressant, de mettre en valeur ou de remettre en valeur. Mmh. Donc, c'est pas parce qu'on a ce genre d'initiative qu'on doit absolument faire quelque chose de nouveau d'un bout à l'autre. On peut aussi prendre quelque chose qui existe déjà et l'améliorer. Exactement. Dans ce genre de pas de réunion, là, mais de brainstorm, finalement. Ben oui, parce que dans le fond, l'idée, c'est, exemple, on a un objet qui est délaissé dans un musée, les gens passent à côté, l'oublient, ils n'attirent pas, alors qu'au contraire, les conservateurs du musée savent qu'il est intéressant, savent qu'il y a du potentiel. Ben, ça peut être un bon défi, justement, pour des créateurs, pour des créatifs, de dire, mais comment on peut faire que le visiteur, quand il va rentrer dans la salle, il va passer par cet objet-là, il va passer un moment devant cet objet-là, il va l'exploiter. Ça peut être autant un petit objet qu'une maquette, je veux dire, on peut imaginer des possibilités où on aurait une maquette, par exemple, avec des éléments de géolocalisation à l'intérieur. On passe notre téléphone là-dessus et on a des informations sur les différents points. Et là, subitement, la maquette qu'on peut regarder peut-être 3-4 minutes, ben peut-être qu'on va passer 10 minutes en avant. Et si on a un objet qui était oublié, mais subitement, grâce à un processus technologique, ben on va passer de 0 à 2 ou 3 minutes. Donc, c'est vraiment de voir de quelle manière la technologie peut réinventer l'expérience muséale au bout du compte et peut bonifier l'expérience pour le visiteur et peut amener aussi des gens qui ont peut-être déjà vécu des expériences quand on parle de collection permanente ou autre, mais qui vont avoir envie aussi peut-être de la revivre, qui vont pouvoir avoir plus d'interactions, plus de place et qui vont avoir une autre relation peut-être avec l'objet aussi. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est une tendance qui s'observe d'ailleurs de plus en plus dans les musées. On réfléchit à voir de quelle manière on peut intégrer les outils de communication, les outils technologiques. Mais le grand défi là-dedans aussi, c'est qu'il ne faut pas que le gadget technologique soit plus important que l'objet. Parce que reste qu'on va dans un musée pour l'objet, pour l'élément historique, pour le contenu historique qu'on y retrouve, on n'y va pas pour le jeu qui est autour. Mais par contre, le jeu doit permettre une meilleure appropriation du contenu. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Exactement. Ouais. Et parce que sinon, on tombe dans le spectaculaire et on perd complètement notre objectif qui est d'amener les gens vers l'objet. Et de là, de projets comme Muséomix, comme Rare, si ça marche, comme le Media Lab, il y a des projets aussi qui vont jaillir, qui vont ressurgir. Et le défi aussi, outre via les gouvernements, les entreprises et le reste, c'est de voir de quelle manière on peut aller chercher du nouveau financement pour ça. Et ça, c'est le quatrième projet qui nous a été présenté, qui lui, en fait, ça va être lancé incessamment, là, je pense que c'est au 1er avril, qui vise le lancement. C'est une initiative qui s'appelle La Ruche. C'est dans la lignée du crowdsourcing, du crowdfunding, du sociofinancement, si on veut le dire en français. On connaît peut-être de nom, à tout le moins, des sites comme Kickstarter. C'est un site où on va, on propose un projet et les gens, on propose un objectif de financement et les gens vont, ou non, financer notre projet, donc faire des promesses de fonds. Et si on réussit à atteindre notre objectif de financement, ben ces promesses de fonds-là vont être débloquées, on va avoir l'argent. Et évidemment, les promesses de fonds ne sont pas gratuites. C'est en échange soit d'éléments matériels, soit d'un pourcentage de propriété du projet, etc., etc. Donc, puisque les initiatives vont bénéficier, dans le fond, aux gens qui y ont investi. Et La Ruche, on reprend essentiellement le principe de Kickstarter, mais ce qu'on se dit, c'est on prend le pari d'intégrer ça dans une dynamique locale, dans une dynamique régionale, où on va appeler des gens essentiellement de Québec à financer des projets pour Québec. Donc, que ce soit des spectacles, que ce soit des projets techno, que ce soit des œuvres, un peu n'importe quoi. Dans le fond, l'idée et la condition que les organisateurs du projet qui étaient là et pour nous l'expliquer nous disaient, c'est qu'il faut que ça porte une empreinte sur Québec. Il faut qu'il y ait un impact sur la capitale pour que ça soit éligible pour notre site. Et ensuite, ben, ce sera dans le fond Jean de Québec à dire, ben, qu'est-ce qu'on voudrait avoir pour animer notre ville et à quoi j'aurais envie, moi, de participer financièrement, de financer. Évidemment, bon, si on finance un livre, on imagine qu'on va avoir une copie de ce livre-là. Ouais. Si on finance un spectacle, on va avoir un billet, deux billets. Si on finance une entreprise locale, ben, on va probablement avoir un pourcentage. Donc, ça reste un peu dans les mêmes principes, mais avec l'axe local. Et peut-être l'inquiétude et la grande question qui était soulevée justement par le chargé de projet, Jean-Sébastien Noël, c'était de savoir ben justement si les gens de Québec allaient être ouverts à ce type de principe-là du social financement. Eux, pour justifier un peu l'intérêt de cette démarche-là, ils se basent sur le mouvement Ça bouge à Québec, qui est derrière d'ailleurs le projet de La Ruche, et disent ben regardez, si les gens d'affaires en 4 ans ont été capables d'amasser 800 000 $ pour un fonds événement qui avait été créé par le mouvement Ça bouge à Québec, ben peut-être que les gens d'affaires ont envie de financer projet par projet de manière plus spécifique par une plateforme comme ça, mais que parallèlement les citoyens auraient aussi envie d'avoir leur vote, entre guillemets, leur vote financier sur différents projets. Donc, ça sera intéressant de voir. En fait, si on n'aura pas trop à attendre pour voir justement la première cohorte qui sera présentée au 1er avril. Ben, à Québec, il y a déjà des gens qui ont commencé à s'acheter un Colisée. Donc, ça peut marcher aussi sur des trucs un peu plus culturels. Alors, ce qu'on retient de tout ça, c'est peut-être l'importance de briser les silos. Au-delà des moyens, je pense que c'est vraiment ce qui réunit tout ça. La notion de mariage entre les gens, entre les styles, entre les expertises et l'idée justement de travailler collectivement et de manière collaborative. De toute façon, on s'en va là-dessus avec toutes les open, toutes les données ouvertes, etc. Et on rentre un peu dans l'innovation ouverte et dans les projets ouverts. Alors, c'est dans l'air du temps et c'est un air du temps qui me semble, de ce que j'en entends, ça et là, de plus en plus nécessaire. Alors, ce serait intéressant de voir l'avenir de ces projets, évidemment, au fil des prochains mois et des prochaines années également à Québec. Raymond Poirier, merci beaucoup. Tous les détails sur itis.ulaval.ca et on se reparle la semaine prochaine. Sans faute.